avec la guitare de Natsumi. Une guitare bleue foncé comme un de mes t-shirts. C'est la guitare sur les albums de 32. Mais c'est bizarre, quand c'est moi qui joue, ça sonne pas aussi bien. C'est peut-être parce que la guitare a même pas. Elle trouve que mes doigts sont trop gras. Peut-être que c'est juste une impression, mais j'ai entendu la guitare me traiter de pas bon. C'est pas grave, je l'aime quand même, la guitare. C'est pas grave, je l'aime quand même, la guitare. Oh, c'est pas bien, t'es pas bon, va te coucher. Je prends toujours avec moi. Papa, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, papa, je veux plus avec moi.